Transporters in live. Bientôt. Live. En direct. Live. Sur cette antenne. Je suis impatient de l'entendre. Je suis arrivé à 9. Oui. Un sentiment de déjà vu qui d'ailleurs est un terme de psychologie aussi. Et ben on se peut tout le temps que nous utilisions en français des anglicismes, les Anglais utilisent ce mot, un déjà vu. It's a déjà vu. Mais... Sportage dans quelques instants direct. Thank you. Allez-y, Patrick. Radio Sportaz, je me sens plus. Troisième ligne, exactement pour affronter ce 5 de devant français qui est très lourd. Donc, on a alourdi le parc écossais. Et attention à Dan Parks qui a tout simplement inscrit 81% des points de son équipe dans cette année 2010. Il est sur un petit nuage. On a tout Jean-Louis parce que niveau ton casque je me trouve un peu faible. Est-ce qu'on est à fond? On est à fond hein, on dit qu'effectivement on va essayer de faire un effort, on essaye de toucher partout. 8 techniciens à faire maintenant autour de la table de mixage

Oui, il faut s'en aller maintenant, docteur. Allez, ouais, ouais docteur, salut, allez, salut, docteur, complètement fou. Eh bien, le docteur ayant rappelé tout le monde. On s'en va, nous aussi. Alors, c'était sympa d'être sur le service public. On essaiera d'être encore plus fort dès qu'on sera dans l'actualité. Mais pour l'instant, c'est pas encore gagné. Bien sûr, vous pouvez déposer vos plaintes auprès du greffier de justice pour demander à ce que le service public fasse son boulot, c'est-à-dire du sport dans la diversité. Au revoir. Et vive le hand, on vous la sert. Bon, j'espère qu'il n'y a personne là-bas. Mais il y avait une artère fémorale. Ouais, là, apparemment. Trop bien qu'il évidemment rajoute. Alors, bah, ça, ce fut terrible. Même si le docteur Puyol fait tout ce qu'il peut pour endiguer l'action, il fait tout et n'importe quoi. Eh bien, il a réussi finalement. Hein, parce que... Oui, il s'est faufilé, comme on dit en boucherie. Une très belle, très belle. D'ailleurs, tu me donnes faim. Là, du coup, tu m'ouvres un peu l'appétit. Je tiens la bavette, effectivement. Mais... Vous parlez l'anglais. Non, mais gigot, si tu veux. Non, mais c'est. Non, je t'en laisse. Merci, merci. D'accord. Je fais pas la tranche. Hein, arrêtez avec ce sketch haché, là. Merci. Non, mais c'est. Oh, non, bonjour, c'est. Et tout de suite, Bénil. Appelez-moi les lumières. Madame Antoine de Ballon par Hollanda. Hollanda qui met sur la droite. Mais si c'est lui qui parle en bas, il n'y a pas au jeu. Oh, belle allez, défense. Belle défense. Tu me filmes les chauves et on fait Bénil. Appelez-moi les lumières, je te dis. Ah, ballon bien mis. Et le chien, il veut pas venir. Les Hollandais ont choisi d'attaquer dans l'autre sens. C'est peut-être bon signe. Ils changent de direction, les Hollandais changent de direction. Oui, ils les attaquent vers là-bas, il va marquer. Ah, il non va marquer, il peut... Non, il est allé au supermarket. On repart avec Vendange. Vendange qui tête le grain un petit peu, qui le trouve tout à fait à son point, mais qui transmet trop rapidement pour les olives espagnoles. Les olives espagnoles qui remontent. Avec maintenant la région de l'Aragon qui fournit magnifiquement les olives. Non, ah, non, c'est un point más fuerte, sí, mais la costa del gol, ¿a dónde está? Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. La costa on del gol. On n'arrive pas à la trouver ce soir. ¿A dónde está, pardon? C'est terrible. La illumination. La illumination, que bien. Là. La costa del gol, con tu. Con tu, con tu. Merde, que j'ai où elle. Con tu. Ben non, oh, qu'est-ce que c'est passe pourri, là. Quoique, je retire ce que j'ai dit tout en le remettant. C'était une passe pourrie, effectivement, qui a pris du temps pour le devenir, mais qui était réellement... Mais il y a du bon pourri, quand même. Ah, ça, Jacques, le champignon. Le pourri. Le champignon. Hein, tu comprends, un champignon, petit. Tu me cueilles les champignons sur la pelouse, tu me ramènes, je vais l'omelette. La tortilla, je te fais la tortilla du diable, que tu me ramènes tous les champignons que tu trouves sur la pelouse. Ah, pardon, moi, champignonné del mundo. Ah, champignon du monde. Qui sera champignon du monde, effectivement, entre la girole espagnole et le cèpe hollandais. Non, je joue pas là, moi. Ah bon? Ah bon? Ah, mais merde, alors. J'ai joué, alors. Ah, j'ai la classe, non? Ah, il boit de l'eau bleue. Il boit. Il a la classe, en tout cas. Si, si. De l'eau bleue. Avec l'Espagne qui tente de repartir. 5 minutes seulement pour marquer. Ben ouais, mais non, ça va pas. Ouais, on n'a pas fait beaucoup de prolongation dans cette Coupe du Monde. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une excellente remarque de Jacques, ce qui ne m'étonne pas de ta part. Je trouve que tu as fait beaucoup de progrès en statistique, ouais, j'ai bossé. Et que tu n'as énormément travaillé. Je state. Passez-moi en une d'ailleurs, c'était. Oui, eh oui, Moulinette, il le dit, hein, l'arbitre. Oh là là. Monsieur l'arbitre, quand il arrive. Que c'est changement du côté espagnol. La Riqueta qui sort. Riqueta qui sort. Et c'est l'entrée de son cousin, Hector Donachemondo. On y va, Jean-Louis, tu m'affiches tout ça tranquillement et c'est parti. Eh, fais péter. Et toujours 0-0. Et toujours 0-0. Et toujours 0-0. Et toujours 0-0. Maschenata 0-0. Maschenata 0-0. Mais que merde 0-0. Coupe du monde d'Afrique du Sud. Oh là, ils essayent même de détruire les joueurs espagnols en leur tirant dedans. Quelle fureur chez ces Hollandais. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Non, ni les uns ni les autres. Nous non plus d'ailleurs, à mon avis, parce qu'il y en a encore pour 30 minutes et c'est pas fini. Appelez-moi Sport Phrase, s'il vous plaît. En urgence, Sport Phrase. Envoyez-moi tout, les mecs. J'en ai tout. Tout ce que vous avez, les adverbes, les adjectifs, les compléments, tout ce que vous traînez, les verbes, tout, vous m'envoyez tout. Hey, give me your foot. Avec un petit but maintenant. Alors là, les gars, si vous faites ça, que j'ai vais en Espagne pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai pas une maison en Espagne. Il m'installe, moi, attention. La famille et tout dit. Avec Malaga sans Malaga sans. Ah, pas mal. Malaguti, Jacques. Voilà. Malagati. Malagati. Malagati sans sang. Qui essaye de remonter, mais qui a du mal à démarrer. C'est Valencia. Avec inspecteur. Ouh, ils commencent à jouer. Ils commencent à jouer comme s'ils attendaient les prolongations, tout ça. Ah, les deux, oui, les deux, là, ouais, les deux. Les jaunes, les noirs. Mais... Ah, ou l'Espagne a-t-elle peur de prendre un contre? Et pourtant, ça sent le rythme du goal. Il n'y a pas la saveur tout à fait encore, mais ah, c'est vrai que ça n'a pas l'air de clair. C'est pas ça, c'est pas les ça. Les hein. Ceux-là, ils ne sont pas très... Non, tous les axes sont bouchés. Tous les axes sont bouchés, là. Renfait vous informe que tous les axes sont bouchés. Il n'est pas possible de partir en Hollande maintenant. Il faudra attendre demain matin. Alors, je pense que tous ces joueurs ont voté nul. Oui, c'est dommage, mais tu peux voter 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 6-7. Eh oui, pourquoi voter 0-0? C'est trop con. Hey, Sportaz, it's a game. Bien évidemment. Ah, avec la play, la oui. Ah oui, fais bouger le ballon. Ouais. Allez, on va les aider. Bouger. Come on, avec Espagne, por favor. Ça y est, c'est comme ça qu'il fallait faire. Centro, non, si, le centro. Je voyais ce ballon traîner bien dans le maillot noir espagnol. Mais la relance est terrible de la part des Hollandais. Avec trop bien. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a? Il roule au pépé zoom, celui-ci. Oui, mais FIFA Man, t'as vu, il y avait FIFA Man derrière FIFA Man. Il est surveillé. Oh, les FIFA arbitres et FIFA Man derrière. Oh, les arbitres sont surveillés. Ah, oui, mais là, il y avait une double doublure. Je crois qu'on ne veut pas avoir des problèmes d'arbitrage qui n'est pas un petit sale truc. Ouais, la vidéo, manana. Arrêtez là, tatata. Ouais, tatata. Ouais, les tatata. Ouais, les tata. Ouais, en tout cas, là, j'en suis sûr. Ah, oui, moi, j'en suis sûr que les Hollandais attaquent. Oui, tu me fais pas. Oh, il y a un jeu. Arrête. Pas goal. FIFA, là. Poto, ça t'apprendra. Vraiment, hein. Non, t'es pas gentil, c'est pas bien, hein, c'est pas bien. Ouais. On voit ça gentiment, Jean-Louis, ralenti, effectivement, en jeu. Puis avec le maillot orange, ça se voit bien, les hors-jeux, ils sont cons, hein, ils devraient jouer un peu plus, tu vois, discret, c'est un peu... Enfin, relance espagnole, vous avez, messieurs, 2 minutes avec les arrêts de jeu, peut-être 3. L'arc est 12, porte 8. Ils vont nous faire des prolongations, ce soir. Alors que j'ai autre chose à foutre, moi, mince. Oh, c'est pas grave, on fera des improlongations. On monte sur la droite, Paquito Sanchez. Paquito qui garde la balle avec un gros bruit des chiens. On écoute le placard. Oh, petit décalage, ah, sympathique. C'est bien ça. Et pourquoi pas, si tu veux dire, ça peut, ouais, ça ouais, peut susciter pas, l'intérêt technique. Ah, tout non, non, ça peut faire augmenter la note. Ah, c'est pas mal. La note. Pas mal. C'est pas Jackie, fini. Vous avez la note. Ah, bah c'est zéro. Hein, combien c'est en euros? C'est zéro. En francs, en roubles, en dollars ou en euros, c'est zéro. Le ballon est remonté par les Espagnols. Allez, la petite ouverture. Vas-y, Guillermo qui passe maintenant. Grand fou à la chevelure. Oh, là, ils ont failli se tuer. Non, non. De... Non. Ouais. Là, le coucou hollandais a failli tuer le. Le quoi? Le furet espagnol. Trois minutes pour aller chercher la Copa del Mundo, parce que c'est derrière quand même une finale. Hollandais, la balle rebondit et elle tape ma main. C'est dommage. Bien sûr que je continue à jouer. L'arbitre ne siffle pas main. Mais je peux pas dire non plus qu'il n'y avait pas main. Bien sûr qu'il y avait main. C'est pas très bien ce que tu viens de faire, Jacques. C'est pas très joli, joli. De rappeler des souvenirs terribles au peuple français qui regarde ce match avec des confitures en se disant qu'il aurait pu avoir sa formation tricolore sur l'écran. Oh, mais l'Espagne avance, l'Espagne monte. Vas-y, Coco. Oh, quel dommage. Vigneda, toujours là, toujours là. Oui, mais il y a beaucoup d'oranges dans le panier. Il y a trop d'oranges dans le panier. Il faut pas placer les trucs. Alors, regarde l'autre, oui, mais même s'il est au PP Zoom, à un moment donné, quand même, il n'y en a plus dans le réservoir, tu comprends ? Effectivement, c'est la réserve pour trop bien. Attention, fils souvent prolongation de merde. C'est pas des joueurs de réserve là qui jouent quand même. Mais non, c'est les. Normalement, non. Mais c'est vrai qu'ils ont un niveau réserve. Effectivement, ils jouent réservé. Alors écoute, je vais prendre cette phrase, je la prends et puis je la bûche. Il faut avoir des ingrédients pour ça. Ouais, il l'a dit, moustache. Hé, t'as vu ça en parler avec les yeux et la moustache. Les claques. Les claques et les doigts. C'est ça l'entraîneur qui sait se faire obéir. Allez, Espagne, t'as 10 secondes pour marquer le but. Allez, sur la dernière action de 100 mètres. Petit bombarde. Pas de là. Voilà. Ton petit jeu espagnol. Souviens-toi comment tu sais bien jouer. Comme t'es la meilleure quand tu joues avec des petites passes comme ça. Espagna, Naran. Ça revient. Ça s'en va et ça revient, bien évidemment. Avec, je vous le dis tout de suite, un score absolument pharaonique. Hein. J'avais moi-même monté mon site ce soir personnel et je suis à 1200 connexions. Je vous bats. Vous avez une tête de vous de là, Jacques. En fait, avec votre vidéo. Parlons espagnol, si vous voulez. On a dû vous mettre vous de là à la place. Je vois ça, c'est assez surprenant. Et là, l'Espagne va marquer. L'intérieur de l'Espagne. Si, nous sommes dedans, mais je tombe à tes couffants. Et ça. Ah bon ? Oh, s'il le joue vite, c'est fait. L'arbitre le lui autorise. Les bateaux appellent. Dans le port de Barcelone. Le départ, embarquement immédiat pour le but. Pour le but. Espagnol, s'approche des côtes. Méfie-toi parce que, quand même, les Hollandais sont des grands voyageurs aussi. Ils pourraient très bien partir d'un port pour aller te mettre l'import justement de l'autre côté, comme cette tentative. Oui, enfin là, il fait du Van Basten, mais on ne peut pas être tout le monde. Hein. Non. Oui, enfin, tout le monde ne connaît pas Van Basten non plus. Donc, effectivement, nous retirons cette phrase de ce commentaire, de cette retransmission. Enfin. Et nous revenons. Non, parce que Van Basten a quand même fait un triplé, je crois, championnat d'Europe, ce genre de choses. Donc, quand même, non, on peut citer quand même des joueurs qui ont marqué. Putain, mais t'en sais des choses. Dans tous les sens du terme, qui ont marqué. Tu en sais des choses. Si tu m'étonnes. Tu sais comment on en prend pour 30 minutes supplémentaires, là? Je le note. On en prend pour 30 minutes supplémentaires. Là maintenant, à l'instant même où je te parle, nous en voilà pour 30 minutes supplémentaires. C'est les prolongations. Coupe du monde des secondes. Ben vous n'êtes pas rentré à la maison. Fumez vite, on en profite. Tant qu'à être ici, bah, écoutez, prolongation, pourquoi pas, yes. Oh, allez, fumier. C'est la prolongation. Prolongation. Ça va jouer encore. Et tout le monde sort. Et tout le monde sort. Prolongation. Salut, merci d'être venu. Bonsoir. Ça va jouer encore. Bonsoir, à la prochaine. Hey. Réduction pour tous. Hein. Les bières sont gratos, mais réduction. Ah, on n'avait pas prévu que ça durerait aussi encore longtemps. C'est plus gratos. Allez-y. Nous aussi, on ferait bien d'aller se désaltérer. On va me chercher deux bières, trois connes et une glace. 0-0 pour le 700. 0-0 pour le 700. Prolongation, finale de la Coupe du Monde. 0-0 pour le 700. 0-0 pour le 700. 0-0 sur le plan tactique que technique. 0-0. Sur tous les plans. 0-0. À demain. 0-0. Je crois qu'on a pris 3 points ce soir et que c'est avant tout la victoire du collectif. Et je voudrais remercier le public qui a joué son rôle de 12e homme ce soir. Gracias, público de Sportas, que es un gran honor y favorito de recibir a todo el mundo que le sube a internet, direct, que conoce pas, les IP, on a repéré les adresses e-mail. Vous avez gagné Raymond Lambrouille, mot de passe, direct, en direct, dans le lieu secret. Hein? T'as du feu! 0-0-0-0, prolongation. Bravo, Schumacher! Vamos a fumar. Espagnol. Dans quelques instants, mais sur la suite de Sportaz 6-7 sort. En fait, ça ne s'arrête pas, parce que c'est sur Internet. Mais c'est normal que ça ne s'arrête pas. Eh, c'est le direct, c'est le stream. Eh, c'est comme à la maison, c'est secret, mais en même temps, c'est public. Eh ouais, c'est le moderne, c'est multimédia. Et bienvenue à tous. Toute l'équipe là se réunit là, le temps de quelques instants. Ils sont sympas, tous ces gens qui nous accueillent ici. Et c'est superbe. Hein, ah, ça me prend une bonne bourre là. Allez, 0-0, la mi-temps continue. Pas pour moi, je vais quand même aller voir si y a un peu petit quelque chose. Il n'y a pas le goal, il n'y a pas le but, il y a le 0-0 in fact. You know, in direct live from quelque part dans Toulouse. Filmé en streaming, audio, vidéo. Thank you. Live sport à 700 et c'est reparti pour la finale de la Copa del Mundo South Africa 2010. Je vous rappelle que nous sommes dans un lieu semi-secret, enfin un peu plus trop maintenant, bien évidemment. Et que nous avons affaire à nous, à de salopards, des équipes qui ne veulent pas se détacher au score. Et nous faut profiter de leur piteux spectacle une demi-heure de plus. Ah, allez, peut-être pas, à moins qu'on ait sorti de nouveaux produits dans l'achalement de ces deux équipes hein, qui ont voilà, rien changé. Mais ils sont fous, ils ont encore du jus comme ça après 90 minutes. Ah, les oranges ont toujours du jus, c'est normal, normalement. Même essoré complètement. Oh là là, regarde trop bien, regarde trop bien. Oh. Ce type est fou. Oui, mais lui, il en veut 3. C'est le problème, c'est qu'il est un peu trop gourmand à force, trop bien. Bravo Jacques, très bonne analyse, hein, et, bonne analyse d'urine aussi, hein, puisque j'ai les résultats de votre dernière petite chose. Oh, bon appétit Jacques. Le ballon est remonté par l'Espagne, avec Paquito Sanchez. Paquito Sanchez, alors qu'on a fait le bonheur de nos auditeurs. Le bonheur de qui? De rien du tout. On a fait le bonheur des invités juste en ouvrant, en amenant quelque chose. C'est terrible. S'en foutaient du reste, alors le match ils avaient oublié. Complètement. C'est parti. C'est en voyant arriver les packs qu'ils ont retrouvé le sourire. C'est te dire la mentalité terrible de ces gens. Je pensais que c'était pour le rugby les sensations avec le pack, mais attention, c'est vrai qu'avec le foot, on pack à mort aussi. On pack à jean. On pack à man. On pack en jean. On paquito, on paquito là, on paquita, on pacamor, on pacator, il n'y a pas pénal, il y a pénal, et il n'y a rien, il y a corner, il l'a dit monsieur, c'était dedans, c'était pareil, il y a une espèce d'aisance physique et gestuelle pour une corpulence aussi imposante, il est absolument étonnant monsieur Chose. Et regarde-moi ça au ralenti, c'est le bordel dans la surface de réparation, rangez-moi cette surface de réparation immédiatement, c'est le bordel. 0-0, c'est fatal. C'est non pas non plus la mort, mais pas la mort du foot. Hein, parce que c'est vrai qu'il y en a pour un moment quand même. Pour que le foot se fasse détrôner hein, par un autre sport hein, véritablement ce aussi sport populaire. Ce sport ne durera jamais très longtemps, Jacques. Hein. Si. C'est voué à l'échec, ce sport. Ah bon? C'est nul. Ah. Je te le dis, c'est nul. Ça, c'est nul. Jamais ça ne tiendra à une compétition tout au plus. On disait ça en 90, hein, si on s'en souvient. 90, avant que nous démarrions. Toi et moi. Ah ouais, non, non, c'est 94. Attention, le ballon bien, est là. C'est bien ce que je Espagnol, dis. Espagnol, Espagnol, por favor. Attention, le docteur qui l'a appelé à l'infirmière, mais... Ils sont là pourtant, ils sont présents chaque fois, tous finalement, même les Hollandais quand ils attaquent, ils essayent de le faire, mais rien ne rentre. On prend soin maintenant du ballon, on ne le fait plus sortir bêtement. Une finale au tir au but, toi tu vois ça, une finale au tir au but Joanze but. Oh là là. Non j'y pense là, d'un seul coup ça me fout quand même un peu le cafard, une finale au tir au but. Ça me rappelle une espèce... 90 de... Ouais. Ce que je dis. Oh non, fais une aussi, non. Le ballon remonté, tranquille. Par Espagne, final, oui. Avec Paquito. Paquito qui va chercher el Cordobés. C'était Jesús qui l'a ressuscité à la mi-temps, hein, también. Il est revenu uniquement à la pire mi-temps. Que ça va bien maintenant. Médicament. Allez, Espagne, fais quelque chose. Je sais, tu es fatigué, la compétition était longue. Tu as envie, toi aussi, de partir en vacances, d'aller te bronzer sur la Costa del Sol. Mais fais quelque chose maintenant. Allez. S'il te plaît, marque un but, merde. Horchata, también. Oui. L'arbitre dans le pseudo sur le chat. Et je t'attends, hein, oui. Pseudo absolument sympathique. Arroblaze, non oui. Bien évidemment. Oh, yeah. jolie balle pour l'Espagne, avec Paco. Non, il n'y a pas que, oui, Pavionès a été pris à contre-pied, bien évidemment. Lui, il rentrait dans la maison et on lui foutait la ballon quand il sortait. Comment veux-tu qu'il y arrive? Que c'est 0-0 maintenant ici, toujours dans le Johannesburg Fucker Stadium. Oui. Et okay. Ça s'agite. Il y a du lieu secret en week-end, bien sûr. On continue le délire, oui. Oui. Hein? Oui. Oui. Oui. Ballon espagnol. Espagnol, por favor. Tranquille. Saragosse. Saragosse. Ah, notre ça s'excite. Oui, ça s'excite un peu dans les On va se rapprocher, notre public. On est attaqué. On est attaqué. C'est bon, ça. Il y a du public. Arrêtez. Il me touche. On est attaqué par le public maintenant. Et c'est reparti dans le sens. L'audience nous attaque. Je déconne pas, c'est reparti dans le sens. Avec trop bien. Oh, quelle ambiance ici. Ils sont de moins en moins nombreux, mais de plus en plus bruyants. Ah, c'est ouais. Étonnant. C'est vrai qu'il ne manque pas d'air pour des mecs. J'allais dire qu'il ne manque pas d'air pour des mecs qui disent qu'il va avoir chaud. Oui, mais vous mettrez cette vanne la prochaine fois, vous êtes gentil. En 2012, ça passera mieux. On revoit ça gentiment au ralenti. Quel dommage. Que d'occasions manquées par les Espagnols. Ça, un petit peu plus que par les Pays-Bas. Oh, encore une fois, hein, les gardiens ont trouvé la parade. Hein, tout le corps permet maintenant d'arrêter le ballon et c'est souvent le pied ou la jambe qui dévie le cuir. Corner. Dégainé. Attention. Ça devient tendu ici. On l'a fait. Hein, 95 minutes de jeu et toujours 0-0 entre les deux formations, mais ça s'approche. Le but est là, il est pas loin, il rôde sur cette pelouse. Il a envie de rentrer dans le filet, le ballon. Toujours pas de poteau, quelques tirs cadrés, quelques beaux arrêts, surtout des goals des deux côtés, mais il manque un petit quelque chose. Oui, enfin, il y a encore toujours... Et encore, bien évidemment, quelques... Non, finalement, il s'en fout cette fois-ci, monsieur Chose. Il veut du but, lui aussi, avec les Pays-Bas qui attaquent. Mais oui, mais je pense qu'il manque de l'étain et du sel. Il manque l'étincelle. Oui. On y va, on espère. On en veut. Oui, on y va, quand vous voulez, les mecs. Allez, pareil, Espagne, maintenant. La Grincha, c'est saoul. Allez. Ils sont toujours 11. Mais j'ai plus de carton, j'en ai plus de carton. J'ai plus rien, mon gars. J'ai tout filé, j'ai plus de carton. Ouais, il va donner ses bandes jaunes du maillot à la fin. Et l'Espagne repart. Enfin, essaye de repartir sur une chanson de Jacques. Attention. Ah, ce ballon remonté gentiment par l'Espagne sur le côté droit. Et si c'était là? Et si c'était là le but? C'est vrai que j'ai une saveur qui arrive pour moi en ce qui me concerne. Saveur, ça ne veut pas dire tout quand tu sens quelque chose, toi, c'est que généralement saveur. C'est bon. Savoure, regarde, savoure, entre dans le cœur. C'était une saveur pompier. Et ce ne sera même pas, me semble-t-il, une... Eh si, c'est un corner, un bon petit corner pour les Espagnols. Qui va être tiré par l'un de vous. On va en choisir un, madame. Monsieur Chaud, le 700e corner. Et ce sera une tête du docteur Puyol qui part directement dans le bloc réanimation, tranquillement, pour très très animation. Le bloc très animation, là, pour l'instant. On écoute, il est en train d'opérer. Et nous sommes déjà à la je boîtier. Pense que c'est Pierre, hein, opéré. Nous sommes à la moitié de la première période de cette prolongation. Il y a toujours ce score vierge et nul et commence à tirer la langue tout le monde un peu. Effectivement, sauf nous. Sauf nous qui sommes frais comme des gardons. Je veux dire, je m'étonne de cette capacité à encore dire des conneries à cette heure-ci. On en a encore sous le pétale. Hey, telles les belles fleurs. Le ballon est remonté par Guillermo. Guillermo qui met derrière pour Antonia. Cherchez Villas. Antonia qui transmet à Paquito Sanchez. Abrito Sanchez. Maintenant, à Nuncirad. Non, sur la qualité de jeu, les deux équipes sont très très proches, hein, on peut le dire. Oui, c'est-à-dire médiocre. Par contre, sur l'esprit du jeu, les Espagnols sont devant. Cette fois-ci, c'est Vigneta. Il sait plus quoi en faire du ballon quand il arrive. Quel dommage. Oh, mets-moi un beau ralenti, mon petit Jean-Louis. Merci. Ralenti gratuit, signé Jean-Louis. Merci. Avec Vigneta. Et ça fait 2-3 fois que Vigneta rentre dans la surface comme ça et qu'il le merci. Bon là, L'écriture dit encore, ils contempleront celui qu'ils ont transpercé. Il parle du gardien, bien évidemment, au moment du but. Ils ont transpercé le gardien. New York. À New York. Visiblement, nous avons des informations qui arrivent de partout et nulle part. Et c'est vent de quoi qui rentre là, Jacques? Vent de personne, parce que tu entends, il n'y a plus personne là. Voyons, Ils sont partis. Voyons un bruit. Écoutez, vous allez faire un jingle vous-même, hein, puisqu'on en est là, hein, on n'a plus rien. Donc à trois, vous dites Sportage. Filme-moi, c'est con. On fait ça? Ouais, pas nous. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Non, à trois. Mais en plus, ce public est complètement con. On est attaqué, les mecs. Attention, le caméraman est attaqué. J'ai pas envie de... On a créé une situation. Ah, huez-nous. Appelez-moi. Alors que Monsieur Chose intervient dans ce portage. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, ça reprend. Ça reprend surtout pour les Hollandais qui sont, me semble-t-il, à l'assaut de la surface espagnole. Avec le petit château de Castillon qui se défend magnifiquement de maintenant grâce à la fierté de ses habitants qui ne lâchent pas l'affaire. Ils reprennent le ballon, les Hollandais, toujours. Ouais. C'est pas, on les cherche le cocktail. Ouais, on cherche le bar. on cherche le bar. C'est où? Ça se passe où la soirée exactement ici? Parce que c'est assez grand, hein, c'est assez bizarre, oui, d'ici. Là, sur la droite, tiens, peut-être l'Espagne qui attaque avec Golador. Lui nous a tout fait. Tire dévié, petit filet. Ouais. Très fort, ce garçon est très fort. Oui, Cristobal on. Oh, regarde-moi ça. On revoit le Cristobal de but. Oui, merci Jacques, hein, vous me prenez, prenez-moi. Oh, c'était chaud. Comprenez-moi, je dis, moi c'est tout ce que je veux. Et du coup, ça nous donne un bon petit corner pour l'Espagne. Oui? Non? Non? Eh bien non. Non. Qui a dit de la merde? Encore? On n'a pas parlé, non. C'est quoi son IP à lui? Voyons, ouais, si on a le nom, on a son adresse IP. On va donner ton adresse IP en direct si tu continues, tu vas voir. Attention, une action angelesque. Ah. Et oui, il croit qu'il y a but, il voit pas bien. But! Un but mental, effectivement, un but théorique, on l'écoute. Oh, c'est un but de pression. C'est un but de pression. Écoute-moi, c'est plus de Brésil mental. Puta madre qui joue, puta madre. Il transmet magnifiquement la balle. Si ce ballon n'est pas trop long, c'est bon, mais non. Oh, je l'aime, le goal. Je le joue. Pour faire le goal, je veux que ça, ah là là, toute l'année le goal, je veux tout le ça, goal. Le goal et toi. Mais dis donc, c'est la première fois que tu me parles comme ça. Mais dis donc, coquin, écoute, j'arrive. Ah oui, je viens, j'ai le cop of Boulogne, excuse-moi, j'en veux pas. Pendant ce temps-là sur la pelouse, ça se débat, 102 minutes, vous vous rendez compte? C'est la première fois qu'on dit des chiffres pareils. 102 minutes de jeu. Et toujours ce score vierge et nul, qui nous ravit le cœur, qui nous donne envie de nous laisser aller dans la musique. Je suis 0-0 et c'est tout. Merci Jacques. Oui, merci Jacques. Allez bouffer votre avoine. Chérif FM. Allez bouffer votre avoine. Merci. Alors, commencez par les Hollandais. Transmis par Utrecht. Utrecht qui n'y est même pas allé, hein, qui a laissé l'Espagnol se coucher devant lui. Tandis que la reine commence à se faire chier grave. La reine d'or, non? La reine est tombée, je pense que là la partie est terminée. C'est Karpov qui l'emporte. Échec et mat par le gouvernement espagnol qui est en train de jouer maintenant, c'est flou. Échec et grossec et match. Intervention de Monsieur Chose, excuse-moi hein, Jacques si je n'ai pas rigolé. Non, attends, le solo maintenant. Ah, ça fait du bien. Comme musique. Ah, c'est pas du foot. Hein. Non, et puis ça doit faire du bien quand on la ferme aussi. Hein. Ah, sur TF1, c'est sûr. Oh yes, Espagne maintenant, tu marques maintenant Espagne, mais si, vas-y, tire. Il est allé au bout du but. Ah ouais, alors lui, il a tout fait, tout seul, tout fait, il est allé chercher les courses, il a confectionné le plat, il se l'est mangé, il s'est fait le dessert, il est allé au lit, mais ça n'a pas marché. Allegria. C'est au moins, c'est tout ce qu'on peut dire, on peut pas dire allez les Espagnols, les Pays-Bas, on peut dire Allegria, c'est tout. Bien, pendant que nous y sommes, je vous rappelle bien évidemment que c'est la 700e. Oui, c'est la 700e de Sportaz. Extraordinaire, non, quand même? C'est même assez exceptionnel. Ouais. Donnez-leur du pognon. Merci à vous. Donnez-leur des sous, c'est le moment. Ballon hollandais sur une musique qui me rappelle La Croisière s'abuse. Ça va se terminer à un moment donné ce match. Oui, il reste un quart d'heure pour le match. Ensuite, c'est la série des tirs au but, Jacques. C'est quoi cette soirée là? C'est une soirée Sportaz et effectivement, on peut se poser des questions. C'est-à-dire, il y a du groove? Ouais, ça va venir. Tu sens pas derrière la musique là qui. Non? Un peu, mais ça s'est calmé là. Mais qu'est-ce que tu bois en ce moment là? C'est bien ce que je me disais. Du tout. Viens, on va discuter là-bas. Viens. Que du tout. On va te changer à toi aussi. Le sirop sort et on fait rentrer. Ou Bradfair qui rentre. Bill Bradfair. Spécialiste, bien évidemment, de la main dans la surface de réparation pour faire bénéficier d'un pénalty son équipe. Et ce sera donc une touche dans les derniers instants de cette première mi-temps de la prolongation. Le score n'a toujours pas bougé. Si vous voulez rentrer de chez vous, vous avez bien fait. Qui est là? Qui est là? Où est le public? On n'a plus de son public, on n'a plus rien, on est seul. Tout s'est éteint et c'est une touche extraordinaire. Para España. Pourquoi il s'est éteint? Tout s'est éteint, on rappelle le public. Mais non, voilà, on met des lumières. Ah, oui, tout le monde est là de toute façon. Une minute de traditionnel. Mais là, on est en quel moment du match de la Coupe du Monde? Alors, je vous préviens tout de suite, à la mi-temps de la prolongation, ils ne prennent pas le temps. Ils changent seulement et donc c'est pareil pour vous. Hein. Vous sortez un peu, puis vous rentrez. Et voilà. Hein. Puis vous changez de place aussi, parce que ça va pas du tout. On va remettre un petit peu, parce que c'est le désordre. Là, vous êtes foutu le bordel. Nous sommes en finale de la Coupe du Monde 2010. Oui. Et n'oubliez pas de désaltérer le caméraman qui sue énormément. Vous verrez toutes ces images, bien évidemment, sur le site sportaz.fr et peut-être sur d'autres sites qui, évidemment, nous voleront les images et en profiteront à mort pour diffuser. Mais c'est le jeu. Oui, Sportaz, on a ça dans le sang, l'info-site. On a ça dans le sang. Relance immédiate des Pays-Bas, mais cette fois-ci, c'est la mi-temps de la prolongation. C'est ça. Alors, je vais fumer une clope express. Ouais. Je vais fumer une clope la flash clope. Barrez-vous le sang. Une nano-cigarette pour moi. Toute la pequeña clope. Eh bien, oui, c'est la mi-temps, mais vous allez voir que ça ne dure pas longtemps. Ils échangent juste la moitié de terrain. Et nous aussi. On parle plus du tout de football, quoi. On voit ça, c'était ce un soir, peu... Ce soir, non, pas vraiment. Hein. Oh, quelle pagaille dans cette chambre à coucher, c'est vraiment n'importe quoi. Tu me rangeras ta chambre, Jean-Louis, parce que c'est vraiment dégueulasse. Regarde-moi ça, il y a des joueurs qui traînent partout, des shorts déchirés. C'est vraiment le bordel dans cette chambre. On revoit là le Mönchengladbach. Reaction, decoction. La mi-temps de la première prolongation ici, on maintient le public à bonne température, au cas où il y a un malaise. Mais je fumerais bien une cigarette, moi je suis désolé de le dire comme ça, l'antenne, on peut Jacques, ce soir tout est permis, allons. C'est une antenne, effectivement, plutôt libre, c'est ouais. Vrai, de la musique libre, plutôt libre, même si c'est pas tout le temps de la musique libre, mais beaucoup. Et on revoit ces occasions manquées de la part oui, de l'Espagne. Oui. D'ailleurs on peut dire qu'on va continuer à rediffuser les matchs discrètement sur le site, avec Radio Sportaz, mais aussi on essaiera de mettre des images. Qui a un truc à dire, c'est vrai qu'on pourra vous faire dire 2-3 conneries à la fin. Ouais, bah on va le faire maintenant. Hein. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire. Alors on va aller voir qu'est-ce qu'il veut parce qu'il gueule depuis tout à l'heure. J'ai pas envie d'avoir d'ennui avec des gens comme ça. Il est grand. Alors je sais pas si je peux aller très loin. Oui. Levez-vous, monsieur. Il a une casquette militaire. Levez-vous, monsieur. It's over, see. Ah, ici, on a un contest. Alors, viens vers moi un peu. Oui, on a 2 minutes déjà. On a 2 secondes, on va dire. Alors, tu es venu avec papa et maman? Ils sont dans la salle. On les voit. Très bien. Et tu vas nous chanter quoi donc? Le souris verte. Ouais. Une souris verte. Eh bien merci, tu peux aller te rasseoir. Bravo, on l'applaudit très fort. Un sportif, il te sert à la main. Oui, pendant ce temps-là, on échange les bouteilles. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant entre les deux équipes. D'ailleurs, laissez-nous-en quand même. Je vois qu'il y a beaucoup de soifards. Essayez de nous mettre des bouteilles de côté, j'appelle l'intendance, hein, cette fois-ci c'est même plus la régie. C'est reparti, time shift. Time shift, hein, oui bien sûr, avec 33, 34, 33, c'était le moment. Tenez, vous rendez compte, c'est quand même le 22e 37. Match de cette compétition qu'on se tape, et il nous faut des prolongations juste là maintenant. Oui mais c'est pour en profiter ici même de ce lieu secret, avec cette nouvelle chose que ce stream vidéo en même temps, avec quelques-uns qui peuvent profiter de ce privilège, parce que la bande passante évidemment n'est pas extraordinario. Ah ben écoute, c'est les débuts, hein, c'est le début de l'aventure un petit peu, donc on ne peut pas non plus tout avoir. On a déjà le talent, la technique viendra après. Le talent, ouais. Le talent ferme, parce qu'il faut rester debout, ferme pendant ces matchs. Relance Espagne, mais ils ont changé de côté vraiment, parce que j'ai pas l'impression là. L'Espagne attaque à fil de goal, donne vite ton ballon que t'es chargé par... Les Hollandais sont aussi virulents en défense qu'ils l'étaient en tout début de partie. C'est assez étonnant. Peut-être monter un peu d'espace pour Capsol. Ah, ils ont fait rentrer Torreos. Ils ont fait rentrer Torreos, les Espagnols, Jacques. C'est l'option supplémentaire de l'attaque. Ok, donc il y a du changement. Ouais, mais enfin, on en avait déjà, il faut les ouvrir par contre. Ah, on est servi, hein, pour moi, on va faire un bon taux. Donc nous allons essayer de trouver la bouteille. Je suis mauvais à ça, moi je suis mauvais, quoi. J'avais perdu 3 dents. Vous l'avez compris, hein, nous ne commentons plus le match. Hein. Ah bon? Oh, non, mais si, dès qu'il se passe quelque chose, là pour l'instant on a eu le script. Là, voilà, on reprend. Merci beaucoup, on va le dire. Ah oui, Jacques, désinquiète-toi. Beaucoup peu du monde. Oui, ballon récupéré tranquillement par le docteur Puyol qui relance immédiatement le scalpel. Le scalpel vole maintenant dans le bloc opératoire. Le scalpel qui opère la dissection de l'équipe hollandaise. Mais il revient, il a oublié quelque chose, ce sont les gants. Ouais, il se reprend. Ouais, on recotérise maintenant. Recotérise, mais il n'intervient pas. Non, il n'est pas complètement naïf, non. Monsieur Chose. Hein, le pouls est à 94, attention, on descend. Appuyez. Ce ballon n'est pas sorti, c'est bien joué de la part de joueurs hollandais, avec du côté de la retransmission là-bas, c'est parfaitement exécuté. Est-ce que je suis bien là? Merci Jean-Louis, c'est parfait, parce que là tu vois, j'avais des soucis un peu derrière Jean-Louis, et là c'est très bien. Voyons sur l'oreille, est-ce que tu peux me faire l'oreille? Oui. Ne voudrais pas te faire coiffer sur le poteau qu'on attend toujours, hein. Putain de poteau, si je puis dire. Oh non, poteau rentrant alors. Hein. Si c'est un poteau, Jacques, c'est un poteau rentrant. Hein. Je veux bien. On peut remplacer une petite putain par rentrant. Oh, où il va? Non, ça va, il y avait Los Alfaquez qui a sauvé tous. Los hors-jeu sur nous. Oh, Jacques, c'est dégueulasse. Nous retirerons cette phrase dans ce commentaire. Je me suis fait griller. N'en rajoute pas, s'il te plaît. 107 minutes 33 de jeu, des chiffres absolument hallucinants. Ça monte. C'est une vieille Coupe du Monde, hein, qu'on nous a ressorti. C'est pour ça que j'étais un petit peu perturbé. Donc, toujours en direct de Mexico, 68. C'est des Jeux Olympiques en fait. Ici à Guadalajara, où l'altitude nous fait transpirer. J'ai vraiment maintenant mal à respirer. Dégueulasse, j'ai mangé le poisson terre. Le mec, c'est pas bon, le poisson terre. Dégueulasse, ça te va très bien. Le poisson terre, non. Attention qu'il ne parte pas dans l'autre sens quand même. J'ai pris une barre latérale, excuse-moi si c'est pas bon. Écoute, non, t'es fou, t'es complètement fou, non, il y a quand même 105 minutes de jeu, laisse les gens se reposer, ils dorment. Ils sont tranquilles, laisse dormir les gens tranquillement. Et tout le monde attend le but, le fameux but. Mais pour qui sera-t-il? Parce qu'il y en aura un. Et c'est pas possible que ça se finisse à la foirade, quoi, je veux dire, ce truc-là. C'était une bonne Coupe du Monde, on s'est amusé, l'équipe de France s'est fait sortir d'entrée, il y a eu plein de trucs joyeux, il y a eu des petits pays émergents, c'était sympa, ça peut pas finir au tir au but, un truc comme ça. Ici la voix, bienvenue dans cette émission. Ah, il l'a pris! Oh là, c'est terrible! Oh attention. Là, c'est terrible, il l'a pris, c'est dehors! Ah ouais, mais non, il doit le sanctionner, oui, il doit le sanctionner, c'est rouge! Alors, oui, c'est quand? Oui, c'est rouge! Eh oui! Ah, parce qu'il l'a voilà, il était temps qu'il y ait un petit rouge pour les oranges, parce que comment ça nous cavait le panier? Ça débordait depuis le début du match de violence gratos. Que sais-je, il faisait la manche, les dimanches, il faisait tout, il voulait tout à la fois, et ça ne servait à rien, la violence. Hein? Non, mais c'est bien fait pour sa gueule. Hein, par contre, ça, c'est un beau tableau à la Van Gaal. Parce que regarde, c'est un tableau à la Van Gaal. Tu peux me faire un gros plan pour le Van Gaal, là. Tu l'auras combien, allez, 2000 euros, le Van Gaal. Il est là. Allez, un tableau à 2000 euros, on démarre. Allez, un tableau moderne, hein, qui n'arrête pas de changer, un Van Gaal. Allez, vous faites un premier prix, madame. Oui, madame, un Van Gaal à 2000 euros. Madame, monsieur, 3000 euros pour monsieur. Ici, 3005, ah, là. Non, attends. Ah, j'ai un coup de fil. 10 000 euros du Giro du Japon. Ah, non, c'est sûr. C'est marqué. Par contre, je voudrais bien un but gratuit, moi. Tu vois, j'aimerais bien un petit but gratuit plutôt qu'un Van Gaal très cher. Qu'est-ce que t'es gratos. Jean-Louis. Tu t'appliques, Jean-Louis. Tu filmes ça très bien parce que c'est maintenant que c'est maintenant que la distance du but. 21, très bien. 21, bonne température. Ouais, 21 centièmes de but dans quelques secondes. Ah, où va-t-il le mettre? Ah, on le bouge que le tir, c'est à côté. Non, c'est au-dessus ou à côté? On n'a pas le bon angle. Jean-Louis, appelle ton cousin. Ton cousin, il a le bon angle. Jean-Louis en famille, 10 minutes encore, 10 minutes dans cette confrontation. Jean-Louis, c'est Jean-Louis, au-dessus, effectivement. Ton cousin, il a le bon angle sur la télé Arabie Saoudite. On appelle qui? Ah, mais il y a des vieux auditeurs, quoi. Ouais, il parle de Figol. Ah non, de taux de cholestérol. Ah oui, bien sûr. Ah, s'il te plaît. Bien sûr. Pendant qu'on me donne d'autres chiffres, c'est 5 en vidéo et 51 en audio pour ta gouverne. Je te transmets le signal. Combien t'as dit? 5 et 51, ça m'inquiète un peu. Le ballon est monté l'Espagnol. Vignetta magnifique. Vignetta qui a remonté, je suis même pas sûr que ce soit lui. Encore une fois, les Hollandais fous, il lui a cassé la jambe en 7. On écoute un Moscato qui a écrit ce morceau qui s'appelle Mosquito. C'est hallucinant ce qu'ils auront distribué ce soir les Pays-Bas. Je les attendais quand même à un niveau plus sympathique. En tout cas, ça c'est clair que là, franchement... C'est vrai que Vignetta en rajoute un petit peu, effectivement. Il joue bien le jeu. Il a perdu la balle parce qu'elle est trop longue. Et rien dit alors. Avec là, attention, les pompiers de New York sont là. Hein, les pompiers, hein, bien sûr. Les pompiers. dommage, c'est que c'était bien magnifiquement joué avec la reprise de je sais pas qui a fait ça, mais alors il faut immédiatement lui transmettre mes inimitiés, vraiment, parce que là il a tout savaté. Ouais. Alors comme on dit qu'il y a une Uruguay Pride là derrière. C'est l'arbitre qui l'organise, puisqu'il a déjà joué à appel de maillot. Après le match. Une Uruguay Pride est organisée dehors. Bien sûr, tout en bleu, bien sûr. Et ne faites pas de bruit en sortant. Et vous nous direz des mots bleus, bien sûr. Dégagement hollandais. Il est exactement l'heure que vous avez sur votre montre. Et pour l'instant, rien ne se décide. Alors, vieille formule, hein, que peut-être très très peu ici ont pu t'entendre il y a très très longtemps. Oh, ballon récupéré par l'Espagnol, c'est la contre-attaque. Si, la contre-attaque avec Don Quichotte. Le contrôle à l'aéroport, il n'avait pas le bon passeport. Il n'est pas tout à fait dans l'écoute, Réos. Hein, là, il n'est pas bien du tout. Hein. Il reste 8 minutes pour qu'il arrive à sauver sa compétition. T'aurais mouliné. Est-ce qu'on pourrait m'amener le pistolet, s'il vous plaît, parce que ça m'aiderait. Piste et il y a Moustache qui demande la dernière consigne, qui dit que Jacques, il faut faire quelque chose de très bien maintenant pour marquer un boom magnifique. Transmettre musique à fond, et on y va, les gars, tout au fond. Van Gaal tout seul, mais hors jeu, bien évidemment, un petit peu gros, là, truc. Oui, il est gros plan, là, effectivement, c'est un petit peu gros plan. Vous avez raison, Jacques, que se passe-t-il? Oh là là, il y a une discussion entre les uns et les autres, l'arbitre une fois de plus. Moi, j'ai vu le gardien faire l'avion tout seul. Je sais pas vous, mais j'ai vu le gardien faire l'avion tout seul. Ça m'étonnerait qu'on voit ce genre d'image. Hein. Par contre, pour le hors-jeu, le maillot orange... L'image est moins bonne, mais c'est la qualité de l'écran. Hein. Tu crois ça, toi? Oui. Mais nettoie alors, nettoyons un peu, on aurait pu nettoyer un petit peu cet écran. On voit gentiment Jean-Louis, tu dis quand il est en direct, hein, s'il te plaît, avec Torre Rocha. Avec qui il va jouer Torre? Il n'est pas bien du tout Torre Rocha, il n'est pas dans le coup, il n'est pas dans ses appuis, il n'est pas dans son jeu. Torre Factor, hein. je me reviens et j'en suis. Ce qui revient au début. Oui, je m'enfuis, complètement. Merci. C'est le Sporta 700, on est face à face et on est là avec l'écran au milieu. C'est intéressant, cher ami. Hop, allez, petit ping-pong. Ping-pong virtuel. Oh oui, le ping-pong virtuel. Oh, balle faute, la machine. 113 minutes de jeu, 113, National 113. Maintenant, nous sommes à Valence d'Agen, exactement à Valence d'Agen. Allez, pour maintenant. Ce match entre l'équipe locale de Valence d'Agen, qui est en finale de district face à l'équipe de Pompignan, juste à 50 mètres. C'est le derby ce soir. Alors, on a une chorale là pour engager le match un peu mieux, ça sent, non? Non, tu vois, ça négocie, là. Regarde, ça discute. L'Uruguayen est bien. Et là, c'est un très bon coup franc pour les Hollandais. Il n'y a pas un mot qui remplace celui-là avec une... Non. Super. Ou très, très au cube. Super, on dit super, te fatigue pas, c'est ça. Le ballon est en... Pour l'instant, il est en stand-by, il attend. Il attend d'être frappé, ce ballon. Hein. On rendait compte la vie du ballon. T'es là, t'es tranquille et tu sais que tu vas te recevoir une patate en pleine poire. Alors qu'on te demande d'être placide, tranquille, de ne pas bouger. Oui. C'est quand même une vie difficile que celle de ballon de football. Donc, manifestement, l'Afrique du Sud sera à peu près aussi pauvre que quand la FIFA est rentrée dans le truc. Peut-être plus, Jacques. C'est peut-être même un peu plus pauvre qu'à la rentrée. Enfin, les expatriés, ça m'étonnerait qu'ils retrouvent quelque chose très rapidement. C'est ça ? Ah oui, Jean-Louis. Avec un ballon dévié, oui. Wow, un ballon dévié, c'est comme on dit en cuisine. Oui, Jackie, vous êtes dans les townships. Mais c'est pas légal, pardon. Oui. Merci. Oh, tout le monde vous a vu. Faites pas le malin. Alors. On est filmé, ça vous le dit. Avec le ballon qui a remonté tranquillement par la formation hollandaise, je n'en peux plus de ce match. Qu'est-ce que j'en ai marre du foot. Je voudrais du canevas. Je voudrais de la couture. Je voudrais des choses intelligentes à voir. Oui, c'est sûr, oui. Et du marbre avec, non 115-5, on est dans les 5 dernières minutes, Jacques, de cette confrontation. Qui lui dit Qui lui dit le 11 et joue pas après, quand nous commençâmes. Ils n'ont pas envie de rejouer après. Ah si, eux, oui, mais nous, peut-être. Non. Ça aurait été bien qu'ils puissent se dire, rejouons tout réjouge. Ça. Réjouge, ouh là là, il y en a un qui a mis la Camille moteur. Un miracolo. Seul un miracle peut nous sauver, là, les uns les autres. Vignetta, para l'Espagne, si, que de bons sentiments para l'Espagne, qui va Marcado maintenant. Marcado, Espagna. Allons, mes frères. Si, Piedra solo. Piedra solo. L'Espagne, gol. Vignetta. Ah, Vignetta, tout ça, c'est pour toi. Gol d'Espagne. Espagna. Ah bah dis donc, on en a chié pour y arriver, hein. Gol. Attends, qu'est-ce qui se passe, Jean-Louis? Jean-Louis, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Il vient gueuler. Positionne Norgé, allez dehors, Coco. Si toi aussi tu te mets à râler comme ça, mauvais joueur. Hollande est mauvais joueur, c'est le coup. On a eu peur, effectivement, il prend un jaune de plus pour l'orange, bien sûr. Et alors pourquoi? Est-ce qu'il n'a pas déjà un jaune, lui, non? Pourquoi? Peut-être il est hors jeu, mais il y a eu tant d'Espagnols. Je pense qu'il est hors jeu, très sincèrement. Je veux pas, mais je pense qu'il est fuera de ruego. Ça va être là. On regarde ça gentiment, on ralentit. Tout le monde est debout. Ce ballon est tranquille. Et non, il n'y a pas de hors jeu du tout. Go! Par l'Espagne, allô! Et maintenant 2-0. Ce serait ce serait mieux. Ah oui, Espagne. Et 1-0, ouverture du score de l'Espagne pour cette 700e de Sportage en direct de nulle part, en tout cas d'ici, en direct streaming sur le net. Ce qui veut dire, but. On a 3 minutes à souffrir, quoi. 3 minutes horribles à tenir maintenant pour que ça n'aille pas plus loin. Oh, go! Espagne! Espagne, gol. Calme-toi, Coco, calme-toi, c'est pas fini. Gol, Marc, je l'ai cramé partout, c'est l'esprit. Trois minutes à souffrir terriblement. Les Hollandais vont être revanchards à mort, ils vont tout jeter. Espagne, tiendras-tu? goal. Not sure. Eh oui, mais alors là, ouais, là c'est une minute perdue. Là, tiens. Mais il fait du rugby, lui, il s'est trompé. Là, c'est bien, non, il a bien fait. C'est 30 secondes de perdu, c'est bête. C'est but. Pour oh là pour là, il rit ou il pleure? Il écoute Sportaz, il écoute Sportaz discrètement. Ah, le coquin. On pleure la joie, fripon. Évidemment. Ah, le fripon. De joie, mais non, on pleure de joie. Mais non. Mais vous, pour une fois qu'on a des images, arrêtez de mettre les mains devant les yeux, quand même. C'est quand même regrettable. Oh, ils veulent pas voir Sportaz en image. Et pourtant... Le ballon est relancé par le Batave. Le Batave est revanchard. Le Batave a-t-il craqué ce hors-jeu? Là, tu y étais. Si c'est pas toi oui, qui vas la chercher. Il est pas en jeu, il joue pas le ballon. Il joue pas le ballon, il va centrer, le Batave. Ah ouais, mais lui. Le Batave. Mais... Lui, il aurait pu centrer avant, tu vois. Il aurait dû centrer avant même. Résultat des courses, ce sont les Espagnols qui repartent intelligemment, sans s'énerver, en dégageant tranquillement le ballon contré. Une touche, les secondes vont s'écouler. España campeone del mundo. España campeone del mundo. España. Non, en vivo España, en direct de quelque part dans Tolosa, la Occitane, la Resistante, que se esportase. España, España, España. 700, que ça se sent, que 700, que c'est l'Espagne, que c'est le champion du monde. Ah, que c'est bien, que c'est bien, que c'est bien, l'Espagne, l'Espagne, l'Espagne. Oui, bijou, oui, bijou, oui, bijou, viens me voir. Oh, c'est bien, l'Espagne, oh, c'est bien. Écoute, papa. Oh, je l'aime, l'Espagne. Ah, oui, et les Hollandais sont sots, parce que plus ils discutent, plus les secondes défilent, plus ils perdent d'occasion de pouvoir marquer. Et trop bien est en train de faire quelque chose. Oui, mais le pays bête, bête ce soir, c'était pas le pays bas, c'était le pays bête. Ils ont joué comme des cons, des rats. Absolument. Alors, t'as bien fait de le signaler. Ouais, ça a été nul. Pays c'est bien bête. Fait pour votre gueule. Si vous aviez joué au foot, peut-être que vous auriez gagné. Nous sommes dans les tarés de jeu. Le temps additionnel de cette prolongation, de cette finale d'une grande compétition. Et l'Espagne est campeone del mundo. Oh, campeone del mundo. Alors, je vous invite à aller vous faire visiter la citrouille très rapidement après cette compétition, bien sûr. En si majeur. Garde la balle, Espagne. Surtout, ne fais pas le con. Ne donne pas le bâton pour te faire abattre. Attention, avant de bâton, justement. Oh, c'est cool quand même, non, l'Espagne. Allez. Qui réalise, Jacques, ce que personne n'a vraiment réalisé. Lui, il aura noté du monde pour ce soir. Lui, c'est vrai qu'il a du monde pour sa soirée, effectivement. Il a invité pas mal de jeunes footballeurs. Mais l'Espagne réalise quand même ce qui est impensable. Champion d'Europe et champion du monde derrière 2 ans après. Hey, les Espagnols. Espagnol qui a écrit ce scénario, je ne sais pas si Espagnol qui a fait ça. Mais en tous les cas, il faut tenir, sauter tous en défense. Oh, soutenez l'Espagne. Allez-y, Franco. C'est pas sûr, hein. Moi, j'éviterai de... Non, de, non, de... Non.